Jamais encore le cœur du système soviétique, le plus secret, le plus opaque, n'avait été autant pénétré. Je veux parler du formidable appareil de renseignement mis en place par Moscou pour piller la technologie occidentale, pallier du même coup les faiblesses de l'industrie soviétique et faire des économies considérables en matière de recherche. C'était en 1981. Un colonel, tapis à la direction T, sciences et techniques, du premier directorat du KGB, décidait soudain de révéler à l'Ouest l'ampleur de la pénétration soviétique dans les domaines les plus sensibles de la recherche et de la technologie. Francophile, ayant longtemps été en poste dans notre pays, cet homme choisissait de s'adresser à notre service de contre-espionnage, la DST. Grâce aux milliers de documents fournis mois après mois par cet espion, nos agents découvraient ainsi l'existence d'un organisme, le VPK, c'est-à-dire la Commission de l'industrie militaire, chargée de planifier et d'organiser systématiquement l'espionnage scientifique et technologique. Une collecte faite à la demande. Les divers secteurs militaires et industriels faisaient connaître tous les ans leurs insuffisances ou leurs retards, à charge pour les agents des services secrets soviétiques infiltrés dans le monde entier, de leur fournir les informations technologiques qui leur manquaient. Ce même VPK chiffrait aussi méthodiquement les économies ainsi réalisées des millions de roubles chaque année. Monsieur X a déjà évoqué ici le dossier Farewell. Farewell étant le nom de code attribué par la DST à ce colonel du KGB qui s'appelait, on le sait aujourd'hui, Vladimir Hippolytovitch Vetrov. Et s'il a voulu revenir sur cette affaire extraordinaire qui a longtemps été un des secrets les mieux gardés de la République, c'est parce que de nombreux points demeurent obscurs. Car même si, incontestablement, l'exploitation de la source Farewell a été un des succès les plus retentissants de nos services de renseignement, succès qui s'est traduit par l'expulsion de France de 47 pseudo-diplomates soviétiques, cette opération a peut-être aussi donné lieu à une ou plusieurs étranges opérations de désinformation. Un mot encore avant d'écouter M. X. Vetrov, alias Farewell, a été arrêté par la police soviétique en février 1982, non pas pour espionnage, mais pour une affaire de droit commun. Le colonel, pris d'un accès de folie, a tenté de poignarder sa maîtresse et tuer un policier. Mais M. X ne croit pas à cette version. Pour lui, Farewell, aux abois, a imaginé un simulacre d'assassinat sur sa maîtresse. Provisoirement emprisonné, pensait-il, il échapperait au limier du KGB qui, immanquablement, finirait par le démasquer. Mais, ce jour-là, un policier s'est interposé. Un malencontreux grain de sable, Vetrov a donc été condamné à 12 ans de prison et envoyé en Sibérie. En Occident, nul ne sait alors ce qu'il est devenu. Sans nouvelles de leur espion, les hommes de la DST imaginent qu'il a été découvert et capturé. L'exploitation des renseignements qu'il a fournis peut alors commencer. Des espions soviétiques sont démasqués un peu partout dans le monde. Le KGB apprend ainsi l'existence d'une taupe au sein de son dispositif le plus secret. Vetrov finit par être démasqué, extrait de sa prison sibérienne, il avoue, condamné à mort. Il aurait été fusillé au début de l'année 1985. Et j'emploie le conditionnel à dessein, car aujourd'hui encore, on ne sait pas si cet espion exceptionnel est réellement mort. En 81, l'élection de François Mitterrand et l'entrée de quatre ministres communistes au gouvernement provoquent méfiance et inquiétude aux États-Unis. Bah oui. Le président est alors Ronald Reagan. Qui est violemment anticommuniste. C'est lui, il ne faut pas l'oublier, qui va relancer la guerre froide dès son arrivée au pouvoir. Il présente même l'URSS comme l'empire du mal. C'est exact, oui. En lançant son grand bluff de la guerre des étoiles, il a ruiné l'URSS qui n'a pu suivre économiquement. Ouais. D'une certaine façon, il est donc, faut le reconnaître, hein, le principal responsable de l'effondrement du régime soviétique. On ne peut pas le nier. Mais je reviens à 1981 à Washington. Mitterrand et ses ministres communistes font donc peur. Et Reagan envoie aussitôt à Paris son vice-président George Bush pour le père de l'autre. Oui, ouais. Pour mettre en garde Mitterrand. Sans succès, comme on le sait. Ouais. Le président français a quand même rassuré Washington. Bien sûr. Il a dit à Bush que la France restait résolument dans le camp occidental et que les ministres communistes n'auraient jamais accès aux informations les plus sensibles. Ouais, en matière de défense, j'imagine. Naturellement. 2 mois plus tard, en juillet, se tient un sommet des 7 à Ottawa. Pour la première fois, Mitterrand va rencontrer son homologue américain. Et il arrive avec un formidable cadeau dans les mains. Oui, c'est ça. On y vient, c'est le dossier Farewell. Oui. Le président français informe Reagan que nos services sont un espion au cœur du KGB. Un homme qui leur a permis d'apprendre que les plus grandes entreprises occidentales sont infiltrées par des agents soviétiques et que leurs secrets technologiques sont systématiquement pillés. Et bien entendu, les États-Unis sont concernés au premier chef. Réaction de Reagan ? Il est ébahi. Et il déclare à Mitterrand qu'il s'agit là de la plus grosse affaire d'espionnage depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un succès pour Mitterrand. Oui, oui. Non seulement le président de la République prouve son engagement atlantique, mais il a l'impression de rendre un grand service aux États-Unis. Pourquoi dites-vous qu'il a l'impression le service rendu est réel, non ? Eh bien, on peut en douter. Ah, il faut m'expliquer. Alors. Volontiers. Plus tard, beaucoup plus tard, Mitterrand se demandera s'il n'a pas été joué. C'est-à-dire ? Il est très probable que Ronald Reagan connaissait déjà le dossier Farewell. Avant même que Mitterrand lui en parle ? Oui. Mais alors, comment aurait-il pu être informé ? Qui savait ? Très peu de monde, en fait. Le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major du président, le secrétaire général de l'Élysée, et bien sûr les gens qui pilotent l'affaire à la DST. Peut-être aussi Valéry Giscard d'Estaing. Car le traitement de l'espion Farewell avait commencé juste avant qu'il ne quitte le pouvoir, en avril 81. Elle n'a quand même pas suggéré que... Pas du tout, non, non. S'il y avait eu une fuite, elle ne pouvait venir que des gens de la DST qui avaient toujours entretenu des rapports étroits avec leurs collègues de la CIA. Ouais. Et si ce que vous dites est vrai, alors, la DST, enfin, les gens qui s'occupaient de ça à la DST auraient donc omis d'avertir le pouvoir politique qu'ils avaient informé la CIA ? Je le pense. Et il y a au moins deux raisons. La première, c'est qu'à la DST, on n'avait guère confiance dans ces nouveaux dirigeants socialistes. Il faut bien se rappeler qu'avant même les élections présidentielles, des membres éminents du PS avaient préconisé la dissolution de la DST. Police politique soupçonnée d'avoir organisé plusieurs coups fourrés. Oui, les micros du canard enchaîné. Entre autres, oui. Ouais. C'est grâce à l'affaire Farewell que, très certainement, la DST sauvera sa peau. Enfin, de là à confier au pouvoir qu'on était cul et chemise avec la CIA, il y avait un pas que les directeurs successifs de la DST n'ont jamais franchi. Ouais. Et la deuxième raison, alors ? Elle est opérationnelle. Expliquez-moi ça. La DST est un service de contre-espionnage. Elle n'avait donc nulle compétence pour traiter une affaire de renseignement à l'étranger. Cette tâche-là était dévolue au SDEC. Aujourd'hui, la DGSE. Mais le hasard, si c'est bien un hasard, a fait que c'est à la DST que Farewell s'est adressé. Ouais, pourquoi ? Enfin, je sais que nous en avons déjà parlé, hein, mais rafraîchissez ma mémoire. Lorsqu'il était en résidence à Paris. En tant qu'agent du KGB. Oui, oui, ouais. Sous une couverture de représentant commercial de la délégation soviétique. Donc, à cette époque, il avait déjà été repéré par la DST et attiré dans un piège. Ah oui, je me souviens, c'est un accident de voiture truqué, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il était ivre et ça aurait pu lui coûter cher. Un bon ami cadre chez Thomson CSF et collaborateur occasionnel de nos services était alors venu à son secours et avait tout arrangé. Opportunément. Bien entendu. C'était une sorte d'investissement. Et de retour à Moscou, lorsque Vladimir Vetrov, c'est son véritable nom, a décidé de trahir son pays, il s'est débrouillé pour prendre contact avec ce cadre de Thomson qui faisait de fréquents voyages en URSS. Comme par hasard. Et oui, oui. Enfin, il y a beaucoup de hasard dans cette affaire. Je sais que vous croyez rarement au hasard. Hein, donc... C'est donc presque, comment dirais-je, naturellement, la DST qui va s'occuper de Farewell. C'est cela. La DST qui n'a pas pensé un seul instant à confier l'affaire au SDEC, le service rival à qui on ne cesse de tailler des croupières. Seulement, il y a une difficulté majeure. C'est que la DST, service de contre-espionnage, ne dispose ni d'infrastructures, ni d'agents à Moscou. Mmh. Notons au passage que le SDEC n'est guère mieux loti. Son patron, avant l'arrivée de la gauche au pouvoir, Alexandre de Maranche, a en effet supprimé le poste de résident à Moscou. Mmh. Par conséquent, enfin, même si la DST avait voulu s'appuyer sur le SDEC, elle n'aurait pas pu le faire. Oui, c'est la vérité. Voilà pourquoi la DST a fait appel à la CIA, qui, elle, disposait de solides capacités opérationnelles à Moscou. Alors ça signifie que très tôt... Les Américains ont été informés de l'existence de la taupe Farewell. C'est certain. Je peux même vous dire qu'ils ont fourni à la DST, qui l'a transmise à Farewell, une caméra miniaturisée extrêmement performante. Ouais, pour photographier les documents. Oui, le seul problème, c'est que seuls les Américains savaient développer les films. Oui, c'est une façon d'écarter les Français ou de se servir avant eux ? Ça, on ne peut pas l'exclure. Quoi qu'il en soit, ce qui compte dans cette affaire, c'est que le pouvoir politique, en l'occurrence l'Élysée, n'a jamais su que les services américains étaient aussi impliqués dans le dossier Farewell. Voilà. Comment expliquez-vous ça ? Je vous l'ai dit, la méfiance des gens de la DST, peut-être aussi le désir de se donner le beau rôle à un moment où la maison est menacée. Mais cette dissimulation aura plus tard une grave conséquence, car elle permettra de nourrir tous les soupçons. Au moment de l'affaire Farewell, Gilles Ménage était directeur adjoint du cabinet de François Mitterrand. Dans son ouvrage, en 3 tomes, L'œil du pouvoir, il évoque la rencontre d'Ottawa consacrée à l'affaire Farewell. Je le cite. Le président des États-Unis remercia François Mitterrand en lui adressant un mot manuscrit. En parfait comédien qu'il était, Ronald Reagan avait fait comme s'il avait appris la nouvelle. Plus tard, François Mitterrand s'interrogea à plusieurs reprises sur le point de savoir si la DST n'avait pas, dès le début de l'opération, engagé avec la CIA un dialogue et une coopération beaucoup plus avancée qu'elle ne le précisait. Plusieurs indices lui donnaient à penser qu'il en était bien ainsi. Selon cette hypothèse, il est vraisemblable que le président américain était déjà informé de l'existence de l'opération, dont il connaissait parfaitement les détails et l'ampleur, que François Mitterrand venait spontanément lui dévoiler. La DST avait en effet laissé croire que Ronald Reagan n'était pas au courant, car la CIA se méfiait de ces bavardages. Or, il est apparu clairement par la suite que William Casey, son directeur, était un intime du président Reagan et qu'il ne lui cachait rien. Tous deux partageaient un anticommunisme militant et primaire. Du coup, François Mitterrand n'eut pas tort d'affirmer en 1985, lorsque l'affaire fut révélée, que son homologue de la Maison-Blanche avait bien dû se moquer intérieurement de lui lorsqu'il était accouru pour lui exposer ce qu'il savait déjà. Le livre de Gilles Ménage a été publié chez Fayard. Vous parliez de soupçons. Oui, si vous le voulez bien, on va avancer un petit peu plus vite. Farewell a fourni des documents à la DST entre avril 81 et février 82. Et puis après, il disparaît de la circulation. Et ni à Paris, ni à Washington, on ne sait ce qu'il est devenu. Oui, parce qu'il se trouve alors dans un camp en Sibérie. Oui, et c'est seulement à la fin de l'année 83 que les services apprennent qu'il a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Oui. Quel service est... La CIA ou la DST? Peu importe, même si je pense que les Américains ont sans doute été à l'origine de l'information. Entre-temps, vous le savez, l'exploitation des précieux renseignements envoyés par Farewell a commencé. Ouais. Et en France, ça se traduit par l'expulsion spectaculaire d'une quarantaine de diplomates soviétiques. Ouais, des diplomates qui étaient d'abord des agents des services soviétiques, KGB et GRU. Mais je reviendrai sur cet épisode car il sera à l'origine d'une première manifestation d'irritation de François Mitterrand. Irritation contre qui? N'allons pas trop vite, je promets que j'y reviendrai. Il y aura aussi dans d'autres pays occidentaux des expulsions car nous avons veillé en parfaite collaboration avec les Américains à avertir nos principaux alliés. La collaboration avec la CIA n'est non plus dissimulée. Depuis que Mitterrand a rencontré Reagan, la DST n'a plus à se cacher. Et c'est d'abord les Américains qui se chargent d'analyser et de classer l'énorme production fournie par Farewell, parce qu'ils sont mieux outillés que nous. Il en résultera l'arrestation de plusieurs taupes introduites dans des entreprises travaillant en particulier pour l'armée. Mais à chaque fois, on veille à préserver le secret le plus absolu. Est-ce bien encore nécessaire, puisque Farewell a été arrêté? On peut supposer, étant donné l'immense quantité des documents qu'il a fournis, qu'il s'est fait aider. Un réseau? Pourquoi pas? Puis il a été arrêté pour une affaire de droit commun. Oui, ça, et pas comme espion. Il convient donc de tout faire pour le protéger. Mais il y a aussi une autre raison qui impose de garder le secret. Une raison politique de la plus haute importance. Expliquez-moi ça, là. De quoi s'agit-il? Certains des documents photographiés portaient une marque typographique très intéressante. Et pour les experts qui l'avaient analysée, cette marque désignait le destinataire. Un destinataire qui n'était autre que Youri Andropov. Andropov, président du KGB, puis numéro 1 soviétique fin 82 à la mort de Brejnev. Ouais, ça confirmait l'importance des documents, en tout cas. Mais pas seulement. Si jamais ces documents étaient rendus publics, ce serait très embarrassant pour Andropov. Il n'était que le destinataire. Sans doute, mais en tant que président du KGB à l'époque des faits, il devait assumer la responsabilité de cette fuite à un aussi haut niveau. Et ses charmants collègues du Politburo en profiteraient à tout coup pour le déstabiliser ou même l'éliminer. Enfin, vous comprenez? Oui, d'accord, mais enfin... En quoi cela concernait-il les Occidentaux? C'est la vraie question. François Mitterrand, pour sa part, même s'il était décidé à rester très ferme face aux menées soviétiques... Les menées soviétiques, vous parlez d'espionnage. Oui, bien sûr. D'autant qu'en 1983, on venait de découvrir que le KGB avait piégé le Telex de notre ambassade à Moscou. Depuis plusieurs années, les Soviétiques pouvaient lire un livre ouvert dans toute la correspondance diplomatique échangée avec le Quai d'Orsay. Un joli coup, hein. Comme vous dites, oui. Mais à l'Élysée, comme au Quai d'Orsay, ça n'avait amusé personne, vous en doutez. Donc dans ce domaine, Mitterrand tient à ne pas faire de cadeaux à Moscou. Parce qu'il sait qu'en matière d'espionnage, le jeu consiste à ne pas se faire prendre. Si on est pris, il faut en payer les conséquences. Ouais, c'est ce qui se passera d'ailleurs avec l'expulsion des diplomates soviétiques. Exactement. Mais d'un autre côté, Même s'il a réaffirmé avec force qu'il demeurait un allié des Américains, il voulait aussi, comme le général de Gaulle, garder de bonnes relations avec Moscou. Par conséquent, il voulait ménager le numéro un soviétique, Yuri Andropov. C'est parfaitement vrai. Et la manœuvre a été assez habile. Paris a d'abord fait savoir à Moscou que plusieurs dizaines de ses diplomates soupçonnés d'espionnage allaient devoir quitter notre pays. J'imagine que les soviétiques ont très mal réagi. Immédiatement, en effet. Le Kremlin a rué dans les brancards et le premier conseiller de l'ambassade soviétique s'est précipité au Quai d'Orsay pour protester et demander des explications. C'est alors qu'on lui a mis sous les yeux la reproduction d'un des documents Farwell et pas n'importe lequel. Ah oui, je vois là, ceux où figurait la mention codée du destinataire. Oui, oui, le diplomate qui était lui-même membre du KGB a tout de suite compris. Non seulement il s'est bien gardé de protester, mais l'information est tout de suite remontée au Kremlin. Et soviétiques et français ont passé un marché. Si le départ des diplomates était discret, Moscou n'émettrait aucune protestation et surtout n'exercerait aucune représailles. Oui, en expulsant à son tour des diplomates français. Voilà. Oui. Oui, mais je crois me souvenir qu'on a, au contraire, fait grand bruit autour de cette affaire. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu une fuite, mais pas vraiment des intéressés. Que voulez-vous dire là ? Washington était forcément au courant. Washington, qui ne voyait pas d'un bon œil la France se montrait aussi bienveillante à l'égard de Moscou. Et c'est un journaliste américain qui le premier a révélé toute l'affaire. Pour envenimer les rapports franco-soviétiques ? C'est évident. Et le président français n'a guère apprécié. Mais malgré ce coup fourré des Américains, il faut remarquer que, sagement, Andropov a décidé que son gouvernement protesterait pour la forme et s'en tiendrait là. Pour vous, c'est bien la preuve qu'il ne tenait surtout pas à ce qu'on rende public l'affaire Farwell. Ça me paraît clair. Toutefois, il me faut dire qu'en produisant cet important document sous le nez du premier conseiller d'ambassade, une imprudence a été commise. Et une imprudence fatale pour Farwell. Pour quelle raison ? Le soviétique, je vous l'ai dit, est un homme du KGB. D'emblée, il saisit qu'un nombre limité d'agents au sein de la centrale a pu avoir entre les mains un document aussi confidentiel. Ouais. Donc la chasse à la taupe va pouvoir commencer ? Exactement. Elle sera longue, car il faudra procéder par élimination. Mais elle finira forcément par aboutir, et c'est ce qui arrivera. Alors, imprudence, dites-vous, mais à qui la faute ? Le diplomate français qui a montré le document ne peut pas être mis en cause. C'est la DST qui le lui a remis. En pensant, non sans raison, que la production de ce document ferait taire immédiatement le soviétique. Toutefois, on peut s'interroger sur le choix qui a été fait. Le choix du document ? Oui, c'est un papier essentiel parmi les milliers d'autres qui a été choisi. Un papier destiné à Andropov. Hein. Et à mon avis, une nouvelle fois, ce n'est pas un hasard. À la DST, on voulait frapper un grand coup. Profiter de cette affaire pour purger une bonne fois pour toutes l'ambassade soviétique à Paris, où un personnel diplomatique pléthorique dissimulait à l'évidence de nombreux espions. Et on pensait qu'on pouvait effectuer cette purge sans que Moscou proteste, c'est ça ? J'en suis persuadé, oui. Mais tant à l'Élysée qu'au Quai d'Orsay, on voulait seulement adresser un sérieux avertissement à Moscou, sans plus. Quand même, l'expulsion d'une quarantaine de diplomates, c'est pas rien. Vous avez raison, mais on aurait pu faire plus. Enfin, c'est ce que voulait la DST. Et elle ne renoncera pas, bien décidée à profiter de la première occasion pour récidiver. Est-ce que vous pensez que les Américains, très proches de la DST, ont pu pousser à la roue, là ? Pourquoi pas ? En tout cas, même si, officiellement, les Soviétiques étaient en quelque sorte ligotés, il était évident qu'ils riposteraient à leur manière, et que nos services devraient s'attendre à une offensive de leur part. Ça n'a guère tardé. Comment a été décidée l'expulsion de la quarantaine de diplomates soviétiques en 1983 ? Dans leur ouvrage intitulé « Services secrets, le pouvoir et les services de renseignement sous la présidence de François Mitterrand », les journalistes Jean Guinel et Bernard Violet écrivent, je les cite, « Ayant redoré son blason auprès des Américains grâce à Farwell, François Mitterrand avait maintenant l'intention de prendre une initiative vis-à-vis des Soviétiques. La DST, presque par habitude, a toujours sous le coude une liste d'agents de renseignement des services soviétiques qu'il conviendrait d'expulser. En 1983, alors que le dossier Farwell n'est connu que d'un très petit nombre de policiers et d'hommes politiques triés sur le volet, cette liste comporte 160 noms. Et la DST ne verrait pas d'inconvénient, eu égard à l'importance des découvertes permises par Farwell, à ce que tout le monde prenne l'avion pour Moscou. Présenté à François Mitterrand par Yves Bonnet, il s'agit du directeur de la DST, l'ambition est jugée un peu trop élevée. On se contentera donc de 47 noms. Le 5 avril 1983, c'est fait, et les Soviétiques quittent Paris avec leur famille. Le Quai d'Orsay aurait souhaité que la mesure fût entourée d'une discrétion de bon aloi. Une fuite viendra pourtant ruiner ses espérances et l'affaire fera aussitôt la une de la plupart des journaux occidentaux. Pour Gilles Ménage, ancien directeur adjoint du cabinet de François Mitterrand, comme pour M. X, il est clair que cette fuite est imputable à la CIA. Le livre de Guinel et Violet est publié aux éditions de La Découverte. Quelle forme va prendre la riposte soviétique ? Une très habile opération de désinformation. Il ne faut pas oublier que le maître du Kremlin, Andropov, est un maître espion qui a dirigé le KGB pendant de longues années. Alors je vous raconte. C'est l'histoire d'un certain Yuri. C'est son vrai nom ? Je suis incapable de vous le dire, mais enfin par commodité, appelons-le comme ça. Yuri est arrivé en France à la fin de 1982. C'est-à-dire bien avant l'expulsion des diplomates. Hein. Oui, mais à un moment où le contact avec Farwell a été perdu. Ouais. Ça signifie donc que le KGB se doute déjà de quelque chose ? À mon avis, oui. Farwell n'a pas été identifié, mais le KGB soupçonne l'existence d'une taupe en son sein. Et Yuri est d'abord envoyé en France pour essayer d'en savoir plus. Alors, c'est pas seulement une opération des informations. C'est ce que je crois. Alors, qui est cet homme-là, Yuri ? Yuri est un soviétique qui a fui son pays. Enfin, c'est en tout cas ce qu'il prétend. Il est repéré parce qu'il se fait arrêter pour une banale affaire d'escroquerie à la carte bancaire. Une affaire ordinaire, quoi. Non. À mon avis, ce Yuri a voulu attirer l'attention sur sa modeste personne. Et il a réussi ? Quand il commence à dire qu'il a été officier du KGB et qu'il est en mesure de fournir des informations intéressantes sur les services secrets soviétiques, on s'intéresse à lui. Ah oui, forcément, la DSC. Naturellement. Ça, ouais. On l'interroge, on recoupe ses affirmations, et on finit par se dire que l'homme dit la vérité. Les experts de la DST sont d'autant plus enthousiastes que la source Farwell était désormais tarie. Ils ont peut-être là, enfin, l'occasion de réitérer une formidable opération de pénétration dans les organes soviétiques. Oui, mais Farwell, lui, se trouvait à Moscou, où il avait accès à des documents ultra-secrets, tandis que celui-là, là, Yuri, il est à Paris. D'accord. Mais Yuri affirme que malgré sa fuite, il conserve de nombreux amis en URSS. Et parmi eux, il y a un général du KGB. Ah oui, là, ça commence effectivement à devenir plus intéressant. N'est-ce pas ? Et le très sympathique Yuri promet que s'il parvient à prendre contact avec ses relations moscovites, il pourra rendre d'éminents services à notre pays. Et de quel ordre exactement ? Yuri évoque la possibilité de découvrir le plan de représailles mis au point par Andropov après l'expulsion des diplomates de l'ambassade soviétique. Mais plus intéressant encore, il dit qu'il sera en mesure de démasquer un certain nombre de taupes qui agissent chez nous. Ah, les promesses sont alléchantes. Sans aucun doute. Mais est-ce qu'il tient ces promesses ? Yuri, pour établir le contact avec Moscou, effectue un certain nombre de voyages en Europe. À chaque fois, il est bien sûr cornaqué par un agent de la DST. Oui, parce qu'on se méfie. En matière de renseignement, on ne se méfie jamais assez, vous le savez. Et puis, c'est la DST qui paie. Donc, elle tient à savoir si elle ne dépense pas son argent en pure perte. Ouais. Mais ces voyages se traduisent-ils par des résultats concrets ? Yuri affirme avoir pu contacter Moscou. Et il envoie l'une de ses amies là-bas. Lorsqu'elle revient, elle est en possession d'un microfilm qui est aussitôt remis à la DST. Que contient-il, là ? Un nom. Une taupe ? Oui. Un collaborateur très proche du ministre de la Défense, Charles Hernu. Et c'est aussitôt la panique. Parce que si ce haut fonctionnaire est un espion soviétique, ça signifie que Moscou connaît la plupart de nos secrets militaires. Eh, alors que fait-on ? Le contre-espionnage enquête, discrètement, car il ne s'agit pas d'éveiller les soupçons de cette éventuelle taupe. Et très rapidement, les hommes de la DST sont troublés. Parce qu'ils acquièrent la conviction que cet homme est réellement un espion ? De nombreux éléments le laissent penser. Ses relations, ses voyages, ses convictions politiques. On se demande même comment, avec ce profil, il a pu obtenir un poste aussi sensible. Mais d'accord, mais ce ne sont pas des preuves. Vous avez tout à fait raison. Et puis cet homme dispose de puissants appuis politiques. Difficile donc de l'accuser. Oui, toutefois, au plus haut niveau de l'État, on prend la décision de neutraliser ce haut fonctionnaire. Qu'est-ce que ça signifie, ça, neutraliser ? C'est l'éliminer ? Quand même pas, non. Ah bon ? Il s'agit seulement de le muter à un poste où il n'aurait plus accès à des informations touchant la défense. Ça va, sûr ? Officiellement, cet homme a demandé lui-même sa mutation, mais ça me paraît cousu de fil blanc. Toutefois, ça a peu d'importance. Ce qui compte, c'est que Yuri donne d'autres noms. Dans cette liste, il y a un conseiller du président. Le président Mitterrand. Nouvelle panique. Comme vous pouvez l'imaginer. Et la DST poursuit ses investigations en enquêtant sur chacune de ces taupes supposées. Et à chaque fois, elle met en évidence un élément suspect. Ou pas grand-chose, mais quand même. Le résultat, c'est que cette affaire entretient un véritable climat de suspicion dans les plus hautes sphères de la République et que la DST consacre beaucoup de temps à cette affaire. Beaucoup trop de temps ? Oui. Oui, parce qu'un jour, on va découvrir que ce Yuri a mené tout le monde en bataille. Ah oui, comment a-t-il fait, alors ? Mais il semble, enfin j'ai des doutes à ce sujet, qu'on ait fait appel à des collègues britanniques pour confondre Yuri. Moi, je crois plutôt qu'il a dû faire une erreur. ou bien encore que les questions qu'il a posées sur l'éventuelle présence d'une taupe au sein du KGB ont fini par attirer l'attention. Ouais. Donc Youri finit par être démasqué. Oui, il appartenait au KGB et il était venu en France pour intoxiquer nos services. Qu'est-il devenu ? Il a disparu, sans doute à Moscou, après tout. Il n'était de l'intérêt de personne de rendre publique cette affaire. Ça veut donc dire, en tout cas, que les taupes qu'il a dénoncées étaient parfaitement innocentes. Parfaitement. Mais ça signifie aussi que les hommes du KGB avaient été diaboliquement efficaces. Car les noms jetés en pâture à la DST n'avaient pas été choisis au hasard. Une longue étude biographique avait été préalablement menée, et ça en dit long sur la pénétration soviétique de notre pays, et de l'Occident en général. Mmh. En tout cas, Youri démasqué, fin de l'opération de désinformation. Et peut-être commencement d'une autre. Ah, une autre, racontez. Au début 1985, la CIA apprend que Farwell a vraisemblablement été jugé et fusillé. La DST est avertie. 3 mois plus tard, le journal Le Monde publie une série de retentissants articles sur l'espionnage soviétique, sans toutefois mentionner l'existence de Farwell. Le pillage de la technologie occidentale par Moscou est précisément détaillé. Et cerise sur le gâteau, le journal publie le fac-similé d'un document, celui-là même qui a été montré au premier conseiller de l'ambassade soviétique en 1983. Mmh. Et adressé à Andropov. Mmh. La fuite ne peut donc venir que de la DST. À l'évidence. Et d'ailleurs son directeur Yves Bonnet l'admettra. J'ajoute tout de suite que cette publication provoque une violente colère de François Mitterrand. Pourquoi, puisque Farwell est mort ? Cette publication intervient à la veille d'une importante réunion commerciale franco-soviétique et alors même que l'Élysée entend nouer des relations nouvelles avec le Kremlin où un certain Gorbatchev vient de s'installer. Mmh. Mitterrand pense donc qu'on essaie de saboter sa politique vis-à-vis de l'Est ? Oui. Et qui peut avoir intérêt à nuire à cette politique de rapprochement avec Moscou ? Washington. Évidemment. Et aussitôt Mitterrand, qui n'a pas oublié la fuite américaine à propos de l'expulsion des diplomates soviétiques, soupçonne Yves Bonnet d'avoir été manipulé par la CIA, dont la DST était proche depuis si longtemps. Mmh. Bonnet le paiera d'ailleurs en perdant son poste quelques mois plus tard. Ouais. Et la vérité alors ? Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne la connais pas encore vraiment. Car la défense de Bonnet se tient. Il a affirmé avoir communiqué ces informations au Monde, malgré l'interdiction qui lui en avait été faite, pour faire une piqûre de rappel au KGB. Piqûre de rappel, ça mérite une explication, ça. À la DST, on était persuadé que, malgré l'avertissement de 1983, les réseaux soviétiques recommençaient à agir dans notre pays, et en publiant donc ces articles, on leur montrait qu'on les avait toujours à l'œil. Ouais. Bah, écoutez, moi, personnellement, je trouve cette explication plutôt convaincante. Hein. Moi aussi. Mais je n'exclus pas la désinformation américaine. À moins que ce ne soit le KGB qui était à l'origine de cette affaire. Par un biais ou par un autre. Le KGB qui pouvait être tenté de déstabiliser notre contre-espionnage en provoquant des dissensions entre le pouvoir politique et la direction de la DST. Enfin, à vous de vous faire une idée. Pour conclure, et sans prendre parti, je reviens au livre de Gilles Ménage, L'œil du pouvoir, paru chez Fayard. L'ancien directeur adjoint de cabinet cite d'abord le président. Comme à chaque fois qu'il y a un rapprochement ou simplement une échéance diplomatique importante avec les soviétiques, la DST, probablement animée par les Américains, fait un mauvais coup. Je l'ai constaté à plusieurs reprises. Puis Ménage ajoute. Le président était persuadé que l'initiative de la DST était une torpille américaine et de rappeler l'incident initial de la fuite de la CIA au moment de l'expulsion des diplomates soviétiques. Du coup, il se mit à dérouler tout le film de l'affaire Farwell comme si elle avait été, dès le départ, un complot de la CIA. Celle-ci aurait circonvenu la DST en l'entraînant dans une manipulation ou un montage qui n'aurait eu pour but que de le tester juste après son élection. S'estimant bafoué depuis l'origine de l'affaire, le président en faisait ainsi une relecture à la fois machiavélique et cauchemardesque, affirmant qu'il avait toujours douté, que la mariée avait été trop belle, qu'à l'évidence, on détenait aujourd'hui la preuve que les Américains avaient voulu depuis le début se jouer de lui et le ridiculiser. Contentons-nous de remarquer que dans l'hypothèse d'une opération de désinformation menée non pas par Washington, mais par Moscou, l'objectif aurait été également atteint puisque la méfiance du président Mitterrand vis-à-vis des Américains, a redoublé après cette affaire.